Et alors, c'est vrai que la soupe, ça fait rêver. Oui, si vous mangez la tata. J'ai perdu le filet. Ah, pardon. Je vous empêche de travailler. C'est vrai, si... Bon. 4, 5, 6, 7, ça fait 8, j'ai oublié de marquer, non ? Ça fait 160, ça. Comment vous marquez ? Ah ! Ouais, sinon, je perds le fil. Oui. Quand on s'écarte un peu du travail, comme blague, des fois, ça vous échappe. Vous en mettez 2 par 20. Non, 1 par 20. 1 par 20. Quand j'en aurais mis 10, j'en aurais mis 200. D'accord. Et vous l'avez constaté, ça ? Quoi donc ? Mais que la soupe, ça fait rêver. Ben, ça vous fait mal dormir, c'est une vérité, hein. Il ne faut jamais manger la tête de la soupe. Hein.